Le monde du sport retient son souffle au cours des prochains mois, des prochaines semaines. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer avec le monde du sport, les ligues de sport professionnelles. Hier, on a annoncé que la Ligue canadienne de football retardait son camp d'entraînement. Et question un peu de savoir un peu, lui a déjà été commissaire de la Ligue canadienne de football. Donc, il sait un peu vers où ce qui s'en va. Où il doit avoir une idée un petit peu. C'est l'ancien président des Alouettes, Larry Smith, et l'ancien commissaire également de la Ligue canadienne également. Salut, Larry! Ben, ça va bien, Danny. Ça va bien, Je ça va. suis comme beaucoup de Québécois. Il faut être patient, puis il faut rester là dans la maison, puis il faut garder notre distance pour éliminer cette maladie de coronavirus, le virus. Ah oui, comment tu vis ça, Larry, comme politicien, comment tu vis ça? Mais vous savez que les grands gouvernements dans les pays, ils ont fait des actions, ils ont pris des actions pour essayer de supporter le public, le business, les petits entrepreneurs, moyennes et grandes entrepreneurs. Alors, nous allons voir, c'est une question d'année. Les intentions sont très, très bonnes, mais par contre, c'est l'exécution qui va compter. Parce que quand vous regardez Canada, le premier ministre a annoncé que les chèques-vote signés pour le 15 mars, mais par contre, s'il arrive juste dans le mois de mai, ça va être dur pour Ah, les gens. non, non, non, Alors, regarde. l'exécution devient probablement le plus gros défi important. Et le gouvernement va être jugé sur leur exécution. Mais nous avons l'espoir, puis je pense que les premières étapes sont très positives. Regarde, ça va être très dur, là. Les gens qui pensent que ça va arriver le 15 avril, dépontez-vous, là, on parle d'un million et demi de chômeurs, la machine ne sera pas capable de fournir tout simplement, là. T'sais, Ouais, plus ils ont fermé Service Canada, puis Service Canada a eu des problèmes depuis tous les problèmes de chèque de paie dans le gouvernement fédéral. Alors, si les gens travaillent pas, ça va être intéressant de voir comment ils peuvent livrer le service. Mais nous avons l'espoir, Dan. Il faut que tout le monde regroupe ensemble, tous les Québécois, tous les Canadiens, parce que là, il faut que les gens, chacun, prennent leurs responsabilités sérieuses, parce que sans avoir l'implication de tout le monde, nous allons avoir une longue période d'attente. Ah oui, effectivement. Larry, tu étais commissaire d'une ligue de sport, donc tu sais un peu, tu as une opinion très arrêtée, j'imagine, sur ce qui s'en vient, le sport professionnel. Comment tu vois ça? Est-ce que, d'abord, est-ce que, moi, je pense que ça va être très difficile pour les prochaines années, pour les ligues. Donc, c'est la principale source de revenus, c'est les ventes de billets. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais vous savez, c'est la vente de billets, c'est la vente de télévision et c'est la vente de commandite, là. Il y a trois facteurs qui sont très importants. Maintenant, dans une situation où vous avez eu des matchs de, je pense que c'est soccer, ils ont joué dans les stades vides parce qu'ils voulaient compléter la saison, ça c'est dur parce que là, sans avoir cette revenu des amateurs, plus les commanditaires, ils vont dire, mais il n'y avait pas de monde dans le stade, il faut que tu redonnes l'argent que nous avons vous payé. Alors, il y a des questions à vraiment regarder, mais par contre, il faut réaliser que qu'est-ce qui se passe dans une situation comme ça? C'est une situation qui nous n'avons pas vécue, au moins dans dans ma vie, puis probablement votre vie, Danny, puis la vie de beaucoup des gens qui sont déjà à 85, 90 ans. Alors, c'est pas facile. Non. Est-ce que tu penses que des ligues pourraient faire faillite, tout simplement? Je pense à la Ligue canadienne de football, là. Je pense à la Ligue junior majeure du Québec, je pense à la MLS. Tu penses que c'est dangereux? Mais c'est dangereux dans le sens que il faut que dans chaque ligue, vous avez des leaders, les gens qui sont vraiment impliqués financièrement et du côté de gestion. Alors, ces gens-là, ils regardent la situation, ils font des analyses, puis ils regardent qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour redémarrer après que le maladie sort. Alors, c'est pas facile. Vous avez regardé le XFL, c'est la ligue qui était remontée par le leader de Oui, WWF, Vince McMahon. Jerry McMahon, je pense que Vince son nom. McMahon, Vince McMahon. Vince McMahon, sorry. Puis eux autres, ils ont joué quoi? Trois matchs, puis ils ont annulé la saison. Imaginez-vous la perte qu'ils ont pris dans ça. Ouais. Mais les ligues comme le NFL, la Ligue majeure de basketball, puis hockey, etc., il va survivre. J'imagine que la NHL va avoir possiblement une couple d'options. Il peut annuler la saison jusqu'à l'année prochaine, ou il peut avoir une éliminatoire sur une base un peu différente et une période courte pour déterminer qui sera les gagnants dans 2020. Alors, le LCF, ils sont chanceux dans un sens parce que quand j'ai joué dans mon jeunesse, nous avons vraiment commencé le camp d'entraînement la deuxième semaine de juin et nous avons commencé la saison régulière dans presque la fin juillet. So, imaginez-vous que cette maladie commence à sortir dans le mois de mai, juin. Possiblement, le LCF va avoir une saison peut-être option, peut-être moins que 18 matchs. Ouais. Peut-être 18 matchs, mais une saison qui est prolongée, que vous allez jouer dans la neige au fin de l'année dans le Coupe Grey. Ouais. Mais les autres ligues, il faut regarder ça sérieusement et il faut que les leaders dans chaque ligue vont vraiment avoir le support des commanditaires, le grand public et la télévision, parce que le business de sport, Danny, spécialement dans les ligues très importantes, les grands ligues, c'est télévision qui gère le futur de ces mais là, la télévision va peut-être baisser. Je pense entre autres à Rogers, Sportsnet, tu sais, également TVA Sport ici. On pourrait voir des baisses aussi, là. Mais c'est évident que quand ça recommence, ça va être... nous avons des options. Il va y avoir les gens qui vont avoir les aspirations que « Oh, ça va aller vite! Nous allons remonter vite! » Il y a d'autres gens qui disent « Ah, ça va être slow, ça va être lent! » Il y a des gens entre les deux qui disent « Ah, nous allons voir! » Alors, je pense que c'est une situation inconnue. Ouais. Alors, il n'y a pas vraiment un track record pour regarder comment les choses sont remontées après. Parce qu'il y a des facteurs, il y a les marchés, il y a des business de sport, il y a de télévision, il y a, ouais. Il y a des journaux, etc., qui ont des problèmes sérieux vis-à-vis des ventes ouais. de quotidienne. Alors, ça va être très intéressant, mais il faut que chaque citoyen fasse son part, Danny. Garde sa distance, lave les mains, respecte le leadership. Il faut admettre une chose. François Legault, le gouvernement du Québec fait un excellent travail. Doug Ford, maintenant dans l'Ontario, fait un excellent travail. Les premières ministres des provinces, ils font des excellents travails vis-à-vis suivi, parler avec le monde, partager les informations. Puis il faut que les gens dans le sport et les grands sports spécialement vont faire le travail pour vraiment... donner un appui, puis regarder le retour de leur sport dans leur marché ouais. le plus tôt possible. Mais honnêtement, je pense que nous parlons probablement quelque temps dans le mi-juin, juillet, ou ça dépend sur les citoyens. Parce que si les citoyens respectent les règles qui sont là, des ministères de santé de chaque province, du gouvernement du Canada, nous allons avoir le retour plus vite. Mais si les gens ne respectent pas les règles puis les demandes du gouvernement puis les départements de santé, ça va être plus long. Mm-mm. Mais est-ce que les sports où ce que c'est individuel et au grand air, est-ce que ça va revenir plus vite? Sûrement, hein? Mais encore, vous allez voir les gens dans le golf, ouais. les professionnels de golf, est-ce qu'ils vont retourner plus vite? Parce que dans le golf, vous avez beaucoup des amateurs qui regardent les matchs de golf. Mais par contre, vous avez pas mal d'espace sur le terrain pour les grands joueurs. Est-ce qu'ils vont retourner de bonne heure? C'est une chose, une grande question. Puis c'est une question probablement que les gens seniors, les managers, les gestionnaires, les présidents des associations, ils regardent ça. Et comment tu peux retourner avec une balance qui est acceptable ouais. Au gouvernement puis les gens qui sont en contrôle de nos sociétés. Oui, effectivement. Larry, très intéressant, au plaisir de se parler. Puis fais attention à toi pendant cette crise du coronavirus. J'ai toujours un plaisir de te parler. Mais Danny, c'est toujours un plaisir pour moi. Puis passez une bonne journée. L'ex-commissaire de la Ligue canadienne de football, Larry.